Rick Gear. Ça, c'est une chanson pour tous ceux qui ont tué des gens comme moi, mais qui ont un cœur très gros pour la mama. On peut tuer deux ou trois personnes, mais pas plus, et ce qui compte, c'est de faire croquer la mama. J'avais trop de frères tombés dans la street, rest in peace. Des frères que je te cache pas que j'aimais fort. Leur mère a même pas pu leur dire au revoir mon fils. Ou bien même leur dire dommage que t'es mort, Sniff. Et si je dois partir tôt, ce que je sais c'est que pour ma mère, je dois mettre de déco direct. J'ai mis de côté les Lego, pour la mama je dois faire du bif dans le coblo. Oui j'ai tué des gens, mais ton avis je m'en fous pas mal. Tu vas quand même pas me dire ce que je dois faire pour la mama. Car pendant que tu parles, j'ai du bif, j'ai de la moula. Et si tu veux que j'aille au ch'tard, bah moi je me sens pas coupable. Pour ma mère, oui je l'ai fait pour ma mère. Mama. Oui bien sûr j'ai volé, oui bien sûr j'ai dealé. J'ai fait des sales affaires, mais je regrette pas, jamais jamais. Oui j'ai fait des sous en vendant du shit, mais je fais croquer la mama. Oui j'ai mis la batte sous anxiolytique, mais je fais croquer la mama. Moi quand je porte un masque c'est pas pour le covid, mais je fais croquer la mama. Et mon pote Philippe lui aussi est célèbre, donc je fais croquer la mama. Ma boîte à gants est remplie d'armes. Regarde mon gland, ça c'est mon dard. Et même mon dard, ça c'est mama. Rien qu'à mama, à qui je le dois. Merci. Tu peux me juger, me dire Guigui. T'as pas toujours été gentil. Que ma mama, je l'ai pourri. Oui, je lui ai mis quelques béquilles. Je lui ai mis quelques mandales dans la gueule. Mais moi je me suis fait au sol, badabim, badabul. Carré. Et dans ma tête c'est le zbeul. Moi je suis le gars tendu comme un bœuf. Et t'sais pas comme j'aime ma mère. J'aime quand je lui coupe les ongles. J'kiffe. Je lui ai fait des clés de bras car j'aime trop la garba. Mais que j't'aime mama. Oui j'ai fait des sous en vendant du shit, mais je fais croquer la mama. À ma Mélanie j'ai fait sucer des bites, mais je fais croquer la mama. J'ai buté grand-mère à l'insecticide, mais je fais croquer la mama. Et mon pote Philippe, il aime bien les mifs, donc je fais croquer la mama. Ok. Quand moi que j'ai tué ce prof d'éducation civique, mama pleurait. Quand moi que j'ai mis un pétard dans le trou de balle du chien de la voisine, mama pleurait. Quand moi que j'ai pissé sur la robe de la mariée au mariage de ma cousine, mama pleurait. Quand moi j'ai mis du pastis dans la voiture de tonton et qu'elle explosait quand il a mis le contact, mama pleurait. Mais après tout ça j'ai promis à ma mère que j'allais m'améliorer. Et aujourd'hui je suis un bête de gars, donc oui je tue encore des gens. Oui d'accord même beaucoup. Mais franchement écoute la suite. Oui quand je suis rêveau, des fois je tue des flics, mais je fais croquer la mama. Quand je vais à l'église c'est pour voler le fric. Tu sais qu'il y a dans la boîte, moi je fais croquer la mama. Je connais les alarmes encore mieux que ces biches, mais je fais croquer la mama. Eh mon pote Philippe il a une très belle bête, donc je fais croquer la mama. Oui GGMC, c'est le gars que sur qui on mise pas le rond. Ah ouais. Mais qui force le respect et que quand on le connaît, on se délaie les droits dans ses pompes. Ouais je demande des rançons. Carré. Ouais je casse des voitures. Mais franchement toi tu juges mes ratures. Mais qu'est-ce qui vaut mieux, c'est quoi qui vaut mieux? C'est d'être dans le droit chemin comme une grosse salope. Eh mais ça m'a... Attends pas le refrain maintenant. Ouais mais en arrière, j'ai pas fini là. Ouais je disais c'est être dans le droit chemin comme une salope. Aimer sa mama. Non je veux dire pas aimer sa mama. Ou c'est tuer des gens et tout comme moi. Comme moi je fais et tout. Et mettre à l'abri sa mama. Donc voilà t'sais quoi, j'ai tout dit. Allez refrain carré. Oui j'ai fait des sous en vendant du shit, mais je fais croquer la mama. Paco Escobar lui c'est comme mon fils, mais je fais croquer la mama. J'file ma 09 avant mon 06, mais je fais croquer la mama. À des petits aveugles, j'ai vendu ma piste, mais je fais croquer la mama. Et mon pote Philippe, il est trompettiste, donc je fais croquer la mama. Enfin, je veux dire, c'est ma mère qui aurait dû être trompettiste, car elle l'a bien sucé, elle a bien sucé Philippe, c'est une image. Maman, je t'aime, merci pour tout. C'était Tom T. Guigui, carré.